16. Activation orale. Se moquer de. Pronom accentué. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Robert n'est pas content. Et vous dites ? Parce que Mireille se moque de lui. Allons-y. Numéro 2. Il n'est pas content. Parce que Mireille se moque de lui. 3. Colette n'est pas contente. Parce que Mireille se moque d'elle. 4. Les gens ne sont pas contents. Parce que Mireille se moque d'eux. 5. Mes amis et moi, nous ne sommes pas contents. Parce que Mireille se moque de nous. 6. Vous non plus, vous n'êtes pas contents. Mireille se moque de vous. 7. Tu n'es pas content? Parce que Mireille se moque de toi? 8. Les amis de Mireille ne sont pas contentes. Parce que Mireille se moque d'elle.